بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونغذي قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. أنت كم كتيب هذاك اللي فيه الترجمة؟ كتاب هذاك تاع النجمي هذا كومبون بور يوم سا نو نعم. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من القول أو من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. La traduction. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, celui qui dit que la foi consiste en des paroles et des actes, et qu'elle augmente et diminue, est totalement sorti de l'irja. Celui qui dit qu'il faut accomplir la prière derrière tout imam, pieux ou dépravé, yani débauché, combattre avec tout calife, n'est pas d'avis qu'il soit permis de se révolter contre les gouverneurs par l'épée, et invoque pour leur rectitude, est totalement sorti des positions de al-Khawarij. Celui qui dit que tout événement, favorable ou défavorable, provient d'Allah et qu'il égare et guide qui il veut, est totalement sorti des positions de Al-Qadariya et il est un adepte de la Sunna. Sharh, explication. Cheikh Salah Al-Fawzan, hafidhahullah, dit وَمَنْ قَالَ الْإِيمَانِ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِرْجَاءِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. Donc celui qui dit que l'Iman, c'est parole et acte. Que l'iman augmente et faiblit également. Il augmente et il diminue. Il est sorti de la parole de l'irja, donc le murji'a, la secte des murji'a, complètement. لما ذكر أن المرجئة من أصول الفرق الضالة بين مذهب أهل السنة والجماعة وأنه ضد مذهبهم. Donc comme on avait vu la dernière fois, il a cité plusieurs sectes, des têtes de famille, des sectes qui sont apparues vraiment tôt. Donc ici, il a cité la conviction de Ahl Sunnah wal Jama'a sur les différents points où ils ne sont pas en concordance avec ces différentes sectes. Donc, il dit « لأن أهل السنة يا لأن أهل السنة تا شاندكم ?» Il manque un « ya ». Hein ?« أنا ما عنديش ليا » Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. « لأن أهل السنة لأن أهل السنة يرون » Il manque le « ya » devant. يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص. La conviction de Ahl Sunnah, c'est que l'Iman, c'est parole avec la langue, conviction dans le cœur, acte avec les membres. Il augmente et il diminue. Il peut augmenter et il peut diminuer. كما دلت على ذلك الأدلة. Comme les preuves, les textes religieux viennent démontrer cela. من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Du Coran et de la Sunna du messager. بخلاف مذهب المرجئة. Contrairement à المرجئة, الذين يرون أن العمل ليس داخلا في حقيقة الإيمان. المرجئة disent que les actes ne rentrent pas dans l'Iman. Les actes, يعني l'Iman, chez eux, c'est conviction dans le cœur et parole avec la langue, pour certains d'entre eux, يعني. Et les actes ne rentrent pas dans l'Iman. Il dit l'auteur, رحمه الله تعالى, قوله ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح. Donc celui qui dit que on doit prier derrière toute personne qu'elle soit bien ou bien qu'elle soit pieuse ou bien débauchée. Et le jihad se fait avec tout khalifa, avec tout gouverneur. Et ne voit pas il a la conviction qu'il ne faut pas se rebeller contre le gouverneur musulman avec l'épée. Et ودع لهم بالصلاح et qu'il invoque en leur faveur le bien. هذا بريء من فرقة الخوارج. Celui qui a ces caractéristiques là, il n'a rien à voir ni de près ni de loin avec la secte خوارج لأنه ذكر الفرق الأربع. Donc, ce qu'il a cité, les quatre sectes. فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين. Et les quatre points aussi, il a cité les quatre points, ce qu'on vient de voir là. Yani al-khuruj al-sultan, invoquer ou sortir contre le gouverneur, se rebeller, faire le djihad avec lui, prier derrière tout pieux et débauché, et aussi invoquer en leur faveur le bien. Ces quatre points-là. فمن التزم بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين ولم يخرج عليه بسبب خطأ أخطأ فيه وهو دون الكفر أو معصية وقع فيها وهي دون الكفر فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. Donc il dit celui qui est التزم بالسمع والطاعة, celui qui est ardent et assidu dans l'obéissance, l'écoute et l'obéissance au gouverneur musulman, il se rebelle pas contre lui pour une erreur qu'il a commise tant qu'elle n'atteint pas le degré de kufr, de mécréance, ou bien un péché qu'il a commis, qui est moindre que la mécréance. Ça, c'est la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Se rebelle pas contre les dirigeants. Wa huwa as-salat khalf al-umara min al-muslimin. Le fait de prier derrière les gouverneurs parmi les musulmans, ceux qui dirigent la prière. Wal-jihadu ma'ahum fi sabilillah. Et quand ils appellent le jihad, on les suit. Wa du'a'u lahum bis-salah. والتوفيق, le fait d'invoquer en leur faveur la piété et la droiture, la réussite. هذا مذهب أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. Ça c'est la vision des gens de la Sunna et du consensus concernant la relation qu'ils ont avec leurs dirigeants. فمن خالف في شيء من ذلك فعنده نزعة من نزعة أهل الضلال. Celui qui ne se concorde pas sur un de ces quatre points principaux, il a naz'a, c'est-à-dire une tendance. Il aura une tendance parmi les tendances des adeptes de la perdition, min naz'ati al-khawarij. À savoir qu'ici, on est en train de parler de al-khawarij. Il dit, wal jihadu ma'a kulli khalifa. Faire le jihad avec tout gouvernant. Ida amara bil jihad, fa'innahu yajibu al jihadu ma'a. Le gouvernant, il appelle au jihad, il faut faire le jihad en sa compagnie. فهذا هو الواجب. C'est ça l'obligation qui incombe. السمع والطاعة والصلاة خلفهم. Écouter, obéir, prier derrière eux. والجهاد معهم, faire le jihad avec eux. وعدم الخروج عليهم بالقتال كما تفعل الخوارج. Et ne pas se rebeller contre eux comme le font les خوارج. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في ولاة الأمور. Ça c'est la voie de أهل السنة concernant les relations qu'ils ont avec leurs dirigeants. عكس ما تقوله الخوارج والمعتزلة. Contrairement à ce que disent Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Qawluhu, wa man qala al-maqadir kulluha min Allah azza wa jal. Celui qui dit que le destin tout entier provient d'Allah. Khayruha wa sharruha. Bon soit-il ou mauvais. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Il égare qui il veut et guide qui il veut. Faqad kharaja min qawli al-qadariyyati awwalihi wa akhirih. Il est sorti de la conviction des qadariyya tout entier. كل شيء يحدث فهو من قدر الله. Toute chose qui se passe, c'est Allah qui l'a prédestiné. الكفر والإيمان. La mécréance est l'Iman. Ce qu'on traduit par la foi. والمعصية والطاعة. La désobéissance, le péché et l'obéissance. Les bons actes. والفقر والغنى. La pauvreté et la richesse. والمرض والصحة. La maladie et la santé. وغير ذلك, etc. كل ما يجري في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. Tout ce qui se passe dans cet univers, c'est Allah qui l'a prédestiné. لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. Il y a rien qui peut se passer si Allah ne l'a pas prédestiné. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية بقسميها النفاة والمجبرة. Donc, c'est la conviction de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a concernant le qadr, le destin, contrairement aux deux sectes de l'Qadariya. Donc on a dit l'Qadariya, il y a deux extrémistes. Il y a ceux Nufat, ceux qui disent que Allah n'a rien prédestiné et il découvre les choses au moment où elles se passent. Et les Mujabbira qui disent que la personne, elle n'a pas de choix, elle n'a pas de volonté, mais elle est forcée à faire les choses. قال رحمه الله تعالى يضل من يشاء. Allah égare qui il veut. وَلَا يُضِلُّ إِلَّا مَنْ يَرْتَكَبَ سَبَبَ الظَّلَالَ. Allah n'égare que celui qui a commis la cause. Il a commis une cause ou des causes qui engendrent l'égarement. فالله يضله الله l'égare. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Sourate 61 verset numéro 5. Lorsque ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. ولم يأتي في القرآن إهلاك أو إضلال أو عذاب إلا ويذكر سببه من قبل العبد. Dans le Coran, ce n'est pas cité que des gens ou un peuple ont été détruits ou bien égarés ou ont goûté au châtiment sans qu'ils n'aient évoqué ce qu'ils ont fait comme acte. Et c'est la cause qui a engendré cette chose-là provient d'eux-mêmes. Wa anna Allah qaddarahu alayhi bi sabab min al-'abd. Allah a prédestiné ce châtiment ou cette destruction, etc., à cause de ce que la créature elle-même a fait. Wa lidhalika naqulu yudhillu man yasha bi 'adlihi wa yuqimu al-'adla 'ala ahli al-dhalal. C'est pour ça qu'on dit que يضل من يشاء بعدله. Il égare qui il veut à travers sa justice. Et يقيم العدل على أهل الضلال. Et il est juste envers les adeptes de la perdition. ولا يجعلهم مثل أهل الهدى. Et ils ne sont pas pareils que les gens de la guidée de la droiture. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. Donc dans le Coran Allah dit sourate 68 verset 34 verset 35 et 36, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? ويهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. Et il guide qui il veut par sa grâce. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن بالرجعة ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد أظن قبل يوم القيامة normalement كسرة سر الميم ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم ومن قال بهذا القول ومن قال بهذا القول. Donc il dit ensuite, une innovation est apparue et elle est une mécréance en Allah. Celui qui l'adopte est mécréant, nul doute en cela. Celui qui croit au retour, ils disent ceux qui croient au retour et disent que Ali ibn Abi Talib est vivant et qu'il reviendra avant le jour de la résurrection. De même que Muhammad ibn Ali, Ja'far ibn Muhammad et Moussa ibn Ja'far. Ceux qui vénèrent les imams et prétendent qu'ils connaissent l'invisible. Prends garde à eux car ils ont renié Allah l'immense. Il dit, rahimahullah ta'ala, shah qawluhu wa man yu'min bil raj'a. Donc celui qui croit ou ceux qui croient au retour. C'est quoi le retour? Il dit هذا عند الشيعة. Ça c'est chez les chiites. فهم يقولون إن الأموات من الأئمة من أهل البيت يرجعون في آخر الزمان. Ils disent que les morts parmi les imams من أهل البيت, de ceux qui font partie de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, vont revenir à la fin des temps. ويقومون بالعدل. Et ils vont établir l'équité et la justice. ويخرجون عمر وأبا بكر والصحابة من قبورهم ويحرقونهم. Ils disent, ils vont faire sortir Omar ibn Khattab et Abu Bakr et les compagnons de leur tombe et ils vont les brûler. قوله من قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه. Imam al-Barbahari rahmatullahi alayh dit, celui qui l'adopte est mécréant, nul doute en cela. Celui qui a cette conviction, c'est un kafir, pas de doute là-dessus. الذي يقول بالرجعة على هذا النحو لا شك أنه كافر بالله عز وجل. ويقول علي بن أبي طالب حي. Ceux qui disent que Ali est vivant. الغلاة منهم من يقولون علي لم يمت وهو في السحاب ويعبدونه. يعني les extrémistes parmi eux disent Ali est vivant et il est dans les nuages et il l'adore. قوله ومحمد بن علي. Et également Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein al-Baqir. Mohammed ibn Ali ibn Hussein al-Baqir, il est né en 56 de l'Hijra et il est mort en 114. Fil Medina. 56-114. Kalam l'imam al-Zahabi dans al-Siyar. Ça c'est le fils de Zain al-Abidin. Zain al-Abidin, c'est-à-dire Mohammed ibn Ali. Ali Hada, c'est Zain al-Abidin, celui qui a écrit Leys al-Gharib, le poème Leys al-Gharib. Donc c'est Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali, Mohammed ibn Ali Zain al-Abidin. Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Naam. Mohammed ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc entre lui et Ali, il y a combien? Mohammed ibn Ali, son père s'appelle Ali, Hussein son grand-père, ibn Ali, son arrière-grand-père Ali. Hein? Donc 56 de l'Hégir, 114. Il est né en Aïcha, مثلاً. Aïcha, Abu Huraira, ils étaient encore vivants. Quand il est né, cette personne, Tabi'i Hada. Naam. ثم قال وجعفر بن محمد ابن علي بن الحسين وهو جعفر الصادق هذا معروف ملقب بالصادق اللي كونو بور سا فيراسيتي القحطاني دون صنونيا يدي واحفظ روايه جعفر بن محمد فمكانه فيها جل مكاني quand il a parlé des sahaba et de certains parmi les tabi'in tout ça et de al bayt normalement il a parlé de lui واحفظ روايه جعفر بن محمد فمكانه فيها جل مكاني. Yani, rappelle-toi de la version de Ja'far ibn Muhammad, ce qu'il rapporte, car c'est quelqu'un qui est connu pour sa véracité. Oui, il s'appelle Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein. Yani, c'est le descendant de Muhammad ibn Ali, qu'on avait juste avant, son fils. Oui, Mouloud. سنه 80 هو اللي نون 80 دو ليجير il est mort en 148 il est né en 80 il est mort en 148 والثالث وموسى ابن جعفر الكاظم ابن جعفر الصادق وهذا c'est le fils de celui qu'on vient de voir à l'instant d'accord موسى ابن جعفر الكاظم ابن جعفر الصادق دونك يسابل موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب هذا مدني دونك سي ان مدينوا كي اي بارتي ا بغداد بغداد il est né en 128 il est mort en 183 en prison هذا كلام موسى الذهبي رحمه الله دون كتاب سير أعلام النبلاء. Je vous répète son nom. C'est تاريخ 128-183. موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. Parce que les chiites vénèrent Ahl al-Bayt. Ils appellent Ahl al-Sunna al-Nawasib. Ils disent que Ahl al-Sunna comme ils vénèrent pas les gens de Ahl al-Bayt. Ils disent vous détestez la famille du prophète, tout ça. Donc au moins ils exagèrent vers toute la famille du prophète, notamment la famille de Ali, parce qu'au moins ils valorisent Ali énormément. Et ils n'ont rien à voir avec cette idéologie. Donc il dit wa Musa ibn Ja'far al-Kadhim ibn Ja'far al-Sadiq, wa lidhalik al-Rafida yusammuna anfusahum bi al-Musawiyya. والموسوي نسبة إلى موسى الكاظم. Certains d'entre eux s'appellent, on va dire les Moussaouites, en attribution à cette personne-là, موسى بن جعفر. قوله ويتكلمون في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب. Donc, et ils parlent sur l'imama, sur ceux qui vénèrent les imams et prétendent qu'ils connaissent l'invisible. يعتقدون في أئمتهم أنهم يعلمون الغيب. Ils ont la conviction et considèrent que leurs imams, par exemple ceux qu'on a cités là, connaissent l'invisible. وَأَنَّهُمْ يَشْرَعُونَ مَا شَاءُ et qu'ils peuvent légiférer ce qu'ils veulent. وَيَنْسَخُونَ مَا شَاءُ مِنَ الشَّرْعِ et ils peuvent abroger ce qu'ils veulent de la religion. يَشْرَعْ أَشْيَا ils légifèrent des choses. وَيَنْسَخْ أَشْيَا et ils abrogent d'autres choses qu'ils enlèvent de la religion. لِيَنَّ اللَّهَ فَوَّضَهُمْ بِهَذَا parce qu'il dit, يعني, c'est comme Allah il leur a donné cette... Cette fonction, ils ont ce privilège. Ils ont cette chose-là, ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème. هذا كلام الشيعة. وأنهم أو الرافضة. وأنهم أي الأئمة يعلمون الغيب. وهل أحد يعلم الغيب إلا الله. Donc ils prétendent qu'ils connaissent l'invisible. C'est connu pour tout musulman simple, فضلا عن أهل السنة, que il n'y a que Allah qui connaît l'invisible. À l'absolu. قولهم فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. L'imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala dit: prends garde à eux car ils ont renié Allah l'immense. من ادعى علم الغيب أو أن أحدا يعلم الغيب إلا من علمه الله من رسله فهو كافر. Donc il dit: celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui prétend connaître l'invisible, ou prétend que quelqu'un connaît l'invisible, autre que ce qu'Allah a dévoilé à certaines de ses créatures parmi les messagers, messagers anges ou les messagers humains, il est mécréant. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول. Celui qui connaît le mystère, yani l'invisible, il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qui l'agrée comme messager. هذا خاص بالرسل لأجل مصلحة الأمة. Ça c'est spécifique au messager et c'est dans l'intérêt de la nation. والدعوة إلى الله et c'est dans l'intérêt du prêche. وليكون معجزة لهم et c'est également pour montrer que le messager est un être humain qui a des miracles avec lui, des choses qui sortent de l'ordinaire. أما غير الرسل فلا أحد يطلعه الله على شيء من الغيب. Autre que les messagers, il y a personne, il y en a que à qui Allah lui montre une part de l'invisible. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال طعمة ابن عمرو وسفيان ابن عيينة رحمهما الله ومن وقف عند من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. Donc il dit ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, Tu'ma ibn Amr et Sufyan ibn Uyayna ont dit, celui qui s'abstient entre Uthman et Ali est un chi'i pour lequel on ne doit pas témoigner et avec qui il ne faut ni parler ni s'asseoir. Celui qui donne préférence à Ali sur Uthman est un rafidi qui a rejeté les textes des compagnons du messager. Quant à celui qui donne préférence aux quatre sur l'ensemble, demande miséricorde pour les autres et s'abstient d'évoquer leurs erreurs, il est sur la voie de droiture et de la guider à ce sujet. من توقف في شأن عثمان وعلي. من توقف في شأن عثمان وعلي. Celui qui ne se prononce pas à propos de Uthman et Ali. وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان. فهو شيعي. Disant que le califat aurait dû être attribué à Ali et non pas Uthman d'abord. D'abord Ali aurait dû précéder Uthman. C'est un chiite. فكيف بالذي يقول إن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو الوصي. Alors qu'est-ce qu'on va dire de quelqu'un qui dit le califat il aurait pas dû être attribué à Abu Bakr et Omar mais il aurait dû être attribué à Ali tout de suite parce que c'est lui al-wasi, c'est lui que le messager sallallahu alayhi wa sallam il a laissé des recommandations et il a parlé yani de lui. قوله لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس. L'auteur rahimahullah dit, ce type de personne, il ne faut ni lui parler, avec qui il ne faut pas, pour lequel on ne doit pas témoigner, qu'il ne faut ni parler, avec qui il ne faut ni parler ni s'asseoir. Il dit, فهو شيعي يتبرأ منه. Il faut se désavouer de ce type de personne. لا يعدل. يعني لا يحكم بعدالته. On ne considérera pas que c'est quelqu'un de juste et de digne de confiance quand il nous informe de quelque chose. ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة. On ne parle pas avec lui dans le sens, une manière de, yani comme tu t'étales avec quelqu'un, تكليم إكرام وانبساط وموافقة. Tu discutes avec lui comme tu discutes avec quelqu'un qui est proche de toi, quelqu'un qui partage tes convictions, etc. Tu ne parles pas avec ce type de personne de cette manière. ولا يجالس. Ça soit pas avec lui, لأن ضرره ينتشر على من جالسه. Dans le sens, c'est pas que s'asseoir, mais c'est le fait de rester en sa compagnie. Parce que ses méfaits se répandent sur les personnes qui restent en sa compagnie. لأن دعاة الضلال يؤثرون على جلسائهم ومن صاحبهم. Les prêcheurs de tort et de bid'a, d'innovation et d'égarement, ils font effet sur les gens qui restent en leur compagnie et على جلسائهم ومن صاحبهم. Ceux qui restent avec eux et qui restent en leur compagnie. قوله ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي. Celui qui fait prévaloir Ali sur Uthman est un rafidhi. يعني في الخلافة. C'est-à-dire dans le califat. Celui qui dit que Uthman, que Ali était plus méritoire que Uthman à propos du califat. أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء. Donc, attention, il faut bien différencier entre les deux. J'ai dit la dernière fois, Cheikh l'Islam, il a parlé de ça dans le Wasitiyya à la fin. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, faqahullah, il dit, concernant le califat, il faut être ferme que Uthman, il méritait plus le califat que Ali. Mais concernant lequel des deux compagnons est mieux, est-ce que c'est Uthman ou c'est Ali, il y a une divergence entre les adeptes de la sunna. بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل عثمانا. Certains font prévaloir Ali, certains font prévaloir Uthman. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمانا فإنه يكون من أهل الضلال. Par contre, le califat, il y a une seule parole qui est juste, c'est que Uthman est plus méritoire et devance Ali dans le califat. لأن الصحابة وفيهم على نفسه وفيه علي نفسه أجمع على تقديم عثمان رضي الله عنه. Parce que les compagnons, il y avait Ali. Vous connaissez que quand Omar il est mort, il a laissé Ahl al-Shura, les adeptes de la consultation, qui étaient 6. Dans les 6, il y avait Uthman. Et il y avait Ali. Et c'est eux qui ont choisi Uthman en tant que nouveau califat. Donc Ali fait partie des 6 qui ont choisi Uthman. قوله قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yani, le Cheikh ici dit, les compagnons, et il y avait Ali avec eux, ont été tous d'accord sur le fait que Uthman passe avant Ali dans le califat. Par contre, lequel des deux compagnons est meilleur? Il y a une partie de Ahl Sunnah qui est minoritaire, qui dit que Ali est mieux que Uthman. Donc si quelqu'un d'Ahl Sunnah dit Ali est mieux que Uthman, on ne s'adonnera pas à dire que sa parole elle est fausse, malgré que la parole de la majorité c'est que Uthman est mieux que Ali. Mais si quelqu'un dit que Ali méritait plus le califat que Uthman, on lui dira t'as tort. Les 6 compagnons de Al-Shura qui se sont réunis, qui ont discuté qui va prendre le califat après Omar, parce que Omar il a désigné personne, il en a désigné 6, et les 6 ils sont aptes à diriger, ils ont tous choisi Uthman. Donc c'est deux choses qui sont proches mais qui sont différentes dans le hukum, faut pas les mélanger. Sur les 5 autres Al-Jumma'a aussi. Non. Et tous ils sont prêts pour le califat. Les 5 autres, il y a Uthman ibn Affan, وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص نعم عبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله يظن أبو عبيدة عامر بن الجراح si je me trompe pas c'est cela يعني les 6 أهل الشورى on a vu ça dans l'Umat l'Iعتقاد كلهم يصلح للخلافة chacun des 6 il est capable de diriger. Mais eux, quand ils se sont réunis pour discuter, qui c'est qui va prendre le khilafa après la mort de Omar en l'an 23, à la fin de l'an 23, quand il a été poignardé par un Majusi, il est mort en salat, ils ont choisi Uthman. Donc le fait qu'eux, ils ont choisi Uthman, ça montre que Uthman n'est plus apte à l'khilafa. Mais lequel des deux est meilleur, Uthman ou bien Ali, Ali fait un khilaf. Il y a une divergence. Il a été poignardé pendant la salat. Non, hadith fait... Un match de salat. Qui a été poignardé pendant salat al-fajr. Donc, il dit qawluhum qad rafada athara ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait devancer Ali sur Uthman, c'est un rafidi. Donc un adepte de rafida qui a rejeté les textes et les traces des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Summu bil rafida, pourquoi on les a nommés rafida? À savoir que ça vient de rafd, le fait de rejeter, de renier, de rejeter quelque chose. لِأَنَّهُمْ قَالُوا لِزَيْدِ ابْنِ عَلِي, parce qu'ils ont dit à Zayd, fils de Ali, مَا تَقُولْ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ, qu'est-ce que tu penses de Abu Bakr et Omar? قَالَ أُحِبُّهُمْ وَأَتَوَلَّهُمْ, il a dit, je les aime, وَأَتَوَلَّهُمْ, yani je les considère comme des gens que je secours, que j'aide, que je soutiens. لِأَنَّهُمَا وَزِيرَ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, parce que ce sont les deux ministres de mon ancêtre, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Faqalu idhan narfuduk, ils ont dit, puisque tu es comme ça, puisque tu as cette conviction là, alors on te rejette. Rafd, narfuduk, on te rejette. Fa rafaduhu fasummu bil rafida, donc ils l'ont rejeté, donc ils ont été nommés ar-rafida, on va dire les refuseurs, ceux qui ont refusé Zayd ibn Ali. Liannahum rafadu Zayd ibn Ali. Zayd ibn Ali, c'est le fils de Ali, c'est le fils de Hussein. Fima Yadhar, oui. Zayd ibn Ali, on ne l'avait pas avant. C'est pas Ali ibn Abi Talib. Non, on entend. Parce qu'il a dit son grand-père. L'arabe, ils disent le grand-père, et ça peut avoir. Ça peut être le 20e grand-père, arrière-grand-père, comme ils disent en français. L'arabe, ils ont le djed. Le djed al-awwal, le thani, le thalith, le rabi', tu vois. Ils ne calculent pas par arrière, ils répètent le truc, mais ils mettent un numéro. Donc le djed, ça ne veut pas dire que c'est son grand-père, dans le sens le père de son père. Ça peut être bien plus loin que ça. Ensuite, il dit وَمَنْ قَدَّمَ الْأَرْبَعَ عَلَى جَمِيعِهِمْ أي جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَتَرَحَّمَ عَلَى الْبَاقِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَمَا فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ. Celui qui fait dévancer les quatre sur les autres. Les quatre, c'est Abu Bakr, Abdullah ibn Uthman, Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl, Uthman ibn Affan, et Ali ibn Abi Talib. Celui qui fait devancer ces quatre sur tous les autres compagnons et qui implore la miséricorde pour le reste des compagnons, il est sur la droiture. قَوْلُهُ وَكَفَّ عَنْ زَلَلِهِمْ, celui qui s'abstient de parler, celui qui s'abstient d'évoquer leurs erreurs. كَفَّ عَمَّا يَصْدُرُوا مِنْ بَعْضِهِمْ مِنْ أَخْطَاءِ, ça donne pas ce qu'ils ont fait comme erreur. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ فِي أَفْرَادِهِمْ, compagnons, ils ont pu commettre des erreurs, chacun est né indépendamment, individuellement. فَقَدْ يَقَعُ بَعْضُ الْأَخْطَاءِ مِنْ بَعْضِهِمْ, se peut qu'il y ait eu des erreurs de certains d'entre eux de manière individuelle. وَلَكِنْ لَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ, mais ils ont des mérites et des grâces. وَلَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ مَا يُغَطِّي خَطَأَهُمْ, ils ont un degré de iman qui couvre les erreurs qu'ils ont commises. وَلَهُمْ مِنَ الصُّحْبَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ, et avant tout ce sont des compagnons du messager. مَا يُغَطِّي مَا قَدْ يَقَعُ مِنَ الْخَطَأِ الْيَسِيرِ, qui couvre ce qu'il y a pu avoir de leur part comme erreur. قال المؤلف رحمه الله تعالى والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه, c'est-à-dire la sunna consiste à ce que tu attestes que les 10 desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le paradis, qu'ils sont parmi les habitants du paradis. Aucun doute à leur sujet. قوله فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. C'est le sabiq là. C'est ce qu'il y avait avant. من اعتقد في الصحابة بهذا فهو من أهل الهدى. قدم من قدمه الله منهم وترضى عن الباقين ولم يلتمس لهم الأخطاء فإنه يكون من أهل السنة والجماعة. Yani celui qui respecte l'ordre qui est cité dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, les quatre califes, puis le reste des compagnons, il est sur une voie de droiture, conforme à celle de أهل السنة والجماعة لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة et également le fait que tu témoignes aux 10 promis au paradis السنة أن تشهد لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة وهم العشرة les 10 compagnons connus الخلفاء الأربعة donc les 4 كاليف أبو بكر عمر عثمان علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب donc celui-là c'est le cousin de عمر وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit cela, ils sont promis au paradis. C'est le messager صلى الله عليه وسلم qui a cité cela dans les textes authentiques. Donc on témoigne en leur faveur comme a témoigné en leur faveur le messager عليه السلام. واضح. قوله لا شك فيه. Et je vous dis la dernière fois, les 10 كلهم من قريش. C'est tous des Quraysh, c'est tous des Mekwa. Il n'y en a aucun parmi eux qui est Minal Ansar. Il n'y en a aucun parmi eux qui est Médinois. C'est tous des Muhajirin, c'est tous des adeptes de Quraysh, des Mekwa. قوله لا شك فيه. من شك أن واحدا من هؤلاء ليس من أهل الجنة فإنه يكون كافرا. Celui qui doute à propos d'un d'entre eux, est-ce qu'il est un adepte du paradis ou pas, il est mécréant. Toute cette mécréance à chaque fois, c'est par rapport à quelqu'un qui connaît le texte. On a informé, le messager il a dit, et après il mécroit ça, il dément. Le messager a dit, les savants du hadith, le hadith est authentique, ils disent le hadith est authentique, kada, la personne elle rejette. Contrairement à quelqu'un qui dit, je ne savais pas, j'ai jamais entendu moi parler de 10 compagnons promis au paradis, on l'informe, si après cela il rejette, et il devient mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté la parole du messager qui a été affirmée. طيب, ما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر ويصفهم بأنهم أصنام. Donc si celui qui ne veut pas affirmer le paradis aux compagnons à qui le messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans ce hadith-là, les 10, il y en a d'autres à qui il a affirmé le paradis, mais dans ce hadith-là, il a affirmé aux 10. Donc que dire de ceux qui maudissent Abu Bakr et Omar et les caractérisent comme étant des statues. Là, dans version en français, il met voir Sahih al-Tirmidhi 3748. Le hadith sur les 10 promis au paradis. C'est quoi le numéro, Cheikh? 3748. Jam' al-Tirmidhi. Sahih al-Tirmidhi, Cheikh al-Albani. Sahih al-Tirmidhi, Daif al-Tirmidhi, c'est. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. Donc ensuite l'auteur dit, tu ne dois demander les éloges d'Allah de manière exclusive pour personne en dehors du messager صلى الله عليه وسلم et sa famille. الشرح قوله لا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. الصلاة في اللغة هي الدعاء. As-salat, le mot salat dans le domaine linguistique, la langue arabe, dans un contexte hors religion, as-salat c'est l'invocation. Wa as-salat fi shara, la salat dans le domaine religieux, et la prière, c'est l'ibada al-mubtada'a bit-takbir wal-mukhtatama bit-taslim. C'est l'adoration qui est connue, qui commence par takbir et qui termine par le taslim. لما تشتمل عليه من قيام وركوع وسجود وجلوس وقراءة للقرآن وتكبير وتسبيح فهي أعمال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذه هي الصلاة في الشرع. Donc il donne une caractéristique qui vient dans la prière, dans la législation, dans l'islam. فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْآلِ وَالْأَصْحَابِ فَالْآلِ هُمُ الْقَرَابَةُ لِلْرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ. Donc il dit, comme vous voyez dans des phrases, Al-Al, la famille du messager, et ses compagnons. Le mot Al veut dire famille à la base. Donc quand les deux sont ensemble, هُمُ الْقَرَابَ لِلْرَسُولِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ. Al-Al, c'est les proches du messager, sa famille. وَالْأَصْحَابِ جَمْعُ صَحَابِي. Et l'ashab, c'est le pluriel de sahabi, donc les compagnons. وَقَدْ لَا يَكُونُ مِنْ قَرَابَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمُ وَقَدْ يَكُونُ. Il se peut qu'il ne fait pas partie des proches du messager, il se peut que ce soit un compagnon, il fait partie des proches du messager. وَإِذَا أُفْرِدَ الْآلُ دَخَلَ فِيهِمُ الصَّحَابَةِ. Et quand il n'y a que l'al, yani l'al, que la famille, sous-entendu, en français ça se traduirait par la famille, donc rentre dedans la famille du messager, et également les compagnons. لِيَنَّ الْآلَ يُطْلَقُ إِطْلَقَيْنِ. Parce que ce mot-là, l'al, donc la famille, s'utilise avec deux sous-entendus. Yutlaqu itlaqayn. Awwalan, itlaq yuradu bihi al-qaraba wa hum alladhina tahrumu alayhim as-sadaqa. Donc le premier, c'est sous-entendu la famille du messager, et c'est ceux pour qui la sadaqa est interdite. Comme c'est connu, la famille du messager, ils n'ont pas le droit de manger de la sadaqa. Wa itlaq yuradu bihi atba'uhu. Et également, on utilise al-al, sous-entendu, en français ça donne la famille, et ce qui est sous-entendu, ce sont ceux qui suivent, les suiveurs. Ils rentrent dedans donc les compagnons. فَإِنَّ الْأَتْبَاعَ يُقَالُ لَهُمْ al. Les suiveurs, on les caractérise également, il y en a en arabe, à travers cette particule, ce mot-là, qui est al, famille. مِثْلُ al فِرْعَوْنُ. Tel que vous voyez dans le Coran, la famille de Pharaon. Et ce qui est sous-entendu, c'est pas sa famille à lui, ce sont ceux qui le suivent. يعني أتباع فرعون آل محمد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم suiveur de محمد عليه السلام. Il y a deux vers de poésie. آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من العجم والعربي. C'est-à-dire la famille, si on traduirait comme ça. La famille du prophète, donc la deuxième définition, ce sont ceux qui le suivent dans sa religion et qui ont adopté la même législation parmi les non-arabes et les arabes. Si jamais, quand on dirait Al, il n'y a que sa famille qui rentre dedans, ça veut dire la personne qui dirait Salatu ala. Al-Nabina Muhammad wa alihi, la personne elle fera des invocations sur le tyran Abu Lahab. Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète. Il rentre dans la première définition, la famille, mais il ne rentre pas dans la deuxième, c'est pas un compagnon. Il est promis à en enfer. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Vous connaissez les versets. Donc sur la première définition, il rentre dedans, à savoir que Al-Al, quand on fait les salutations sur la famille du prophète, c'est la famille, ceux qui sont musulmans, pas ceux qui ne sont pas musulmans. Ceux qui sont musulmans, et ceux qui ne sont pas musulmans comme Abu Talib, ou bien Abu Lahab, ou d'autres qui ne sont pas musulmans, ne rentrent pas ne rentrent pas, yani, sous cette appellation. C'est quel musulman de son époque? Non, l'atba, c'est à la tôle, yani. Tous les gens qui suivent, yani. قال أما الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا كالصحابي وحده أو المسلم وحده فهذا يجوز ما لم يتخذ شعارا. Donc la prière sur autre dans le sens, la prière, c'est quand tu dis الصلاة والسلام على رسول الله, par exemple. Il dit, quand tu dis الصلاة على غير النبي, sur quelqu'un d'autre que le prophète, منفردا. Munfaridan, c'est-à-dire que tu le cites indépendamment. Kas-sahabi wahdahu aw al-muslim wahdahu, comme sur un compagnon, tu dis as-salatu alayhi aw as-salatu was-salamu ala Abi Bakr aw Umar aw Uthman aw Ali ou d'autres, ou bien sur un musulman, même après les compagnons, min at-tabi'in ou bien al-a'imma ou bien des gens de notre époque. Le cheikh dit, ceci est permis, mais il faut pas que ça soit pris en tant que slogan, c'est quelque chose que tu fais tout le temps. Shi'ar. تقول اللهم صل على فلان، فهذا جائز ما لم يتخذ شعارا كما هو عند الرافضة. Il faut pas que ce soit pris de manière répétitive tout le temps. Chaque fois que tu cites cette personne, tu cites cela, comme c'est chez الرافضة. وأما الصلاة على غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان فلا بأس بذلك. Donc il dit, par contre, الصلاة sur autre que le messager, parfois, يعني, il n'y a pas de mal. فقد قال صلى الله عليه وسلم, le messager lui-même a dit, صلى الله عليه وسلم, اللهم صل على آل أبي أوفى. يعني il a utilisé ce mot-là, يعني, الصلاة sur autre que lui-même, ou sur autre qu'un messager, sur un compagnon, sur la famille de Abu Awfa. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, عن عبد الله بن أبي أوفى. والله جل وعلا أمره بذلك. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Dans un verset, Allah lui a ordonné cela. Surat 9, verset 103. Prélève de leur bien une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, par laquelle tu les purifies et les bénis. Et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. قوله وعلى آله فقط آله المراد بهم أتباعه. Donc وعلى آله فقط, يعني que sur ce qu'on pourrait dire sa famille, malgré qu'en français ça donnerait pas cette appellation, sous-entendu les suiveurs, comme on a vu avant. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. Explication. قوله وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما. Donc il dit, tu dois savoir que Uthman a été injustement assassiné. هذا سبق بيان. Ça on en a déjà parlé auparavant, que Khawarij, ils ont encerclé sa maison et ils ont assassiné Uthman. قوله فمن أقر بما في هذا الكتاب. Donc, ensuite il dit, celui qui confirme ce que contient ce livre, croit en lui et le prend comme imam, yani comme guide, sans douter sur une seule de ses lettres et sans renier une seule, est un adepte de Ahl Sunnah wal Jama'a à part entière, qui aura totalement réuni en lui Al-Jama'a. Ma dhukira fi hadha al-kitab huwa i'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a. Ce qu'il y a dans ce livre, c'est la conviction conforme aux adeptes de la Sunnah du consensus. Falam yaqul من لم يعتقد ما قلت وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب. Donc il dit, yani l'auteur il a pas dit celui qui ne ironise que j'ai dit, mais il a dit celui qui ironise ce qu'il y a dans ce livre. وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء. Il dit, yani l'auteur il fait des éloges de son livre et ceci n'est pas blâmable comme certains pourraient le penser. Parce que ce qu'il écrit dans ce livre, c'est les fondements des adeptes de la sunnah. Et celui qui contredit cela, ou réprouve une partie d'entre elles, sera considéré comme étant un adepte de la perdition. Des gens qui lisent et qui disent, hein, pas obligatoirement, mais quand tu lis le kalam hada, comme on avait parlé la dernière fois, Cheikh Najmi il a pas du tout dit ça. Et on va voir qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Najmi. هو صاحب السنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة لأنه اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب وإذا اعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة صار منهم ومن أنكر شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة صار من المبتدعة. Celui qui est conforme à la conviction d'Ahl Sunnah, il fait partie d'eux, Et celui qui ne se conforme pas à la conviction de Ahl Sunnah ne fait pas partie d'eux. Cheikh Najmi dit, nous avons vu que l'imam al-Barbahari a tenu des propos similaires dans son livre. Il n'aurait pas dû le faire, car cela ne peut être dit que pour le Coran. Yani celui qui réprouve une lettre qu'il y a dans ce livre ou qui dément quelque chose, kada kada, il dit, il n'aurait pas dû le faire car cela ne peut être dit que pour le Coran. Quant à ce qu'une personne a écrit, il ne faut pas le décrire ainsi, car nous accorderions l'infaillibilité à son livre, ce qui est une erreur et n'est pas authentique. Sa parole est donc une grande et fausse exagération. Et l'imam Malik a dit, on accepte et on rejette les propos de toute personne, sauf de l'habitant de cette tombe. Et il désigna la tombe du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aurait pas dû exagérer de la sorte et décrire son livre d'une manière qui ne convient qu'au livre d'Allah. Nul doute que cela est une erreur, car il a mis son livre au même rang que le Coran. Nous sommes avec lui et disons que celui qui doute ou renie une lettre du Coran ou une chose apportée par le messager, sallallahu alayhi wa sallam, de manière authentique et sur laquelle il n'y a aucun doute, s'il renie une de ces choses, il rencontrera Allah en ayant démenti cet ordre qu'il aura renié. Il n'est pas permis de rejeter la sunna du messager, de la critiquer, de la comparer. Mais nous ne disons cela qu'en ce qui concerne ce qui est authentique d'une manière qui ne laisse place à aucun doute. Donc il aurait dû limiter sa parole. Celui qui renie ou doute sur une lettre de ce qui a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce qui est authentique, etc. Ensuite, l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, وَمَنْ جَحَدَ وَشَكَ فِي حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ فِي شَيْءٍ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى مُكَذِّبًا فَاتَّقِ اللَّهَ وَاحْذَرْ وَتَعَاهَدْ إِيمَانَكَ. Donc il dit, celui qui renie ou doute une seule lettre du Coran, de tout ce qui a été rapporté du messager, rencontrera en l'ayant démenti. Alors crains Allah et prends garde et attache-toi à ton iman. قال من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر. Celui qui doute sur quelque chose, celui qui doute sur quelque chose du Coran, ne serait-ce qu'une seule lettre, il est mécréant. لأنه مكذب لله عز وجل. Car il dément Allah. أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. Les paroles rapportées du messager qui sont authentiques, lui il a un doute sur cela. أيضا يكفر. كان يقول ولو صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Comme il dit, même si ce hadith est authentique du messager, je le dément. ولكن انا لا اعتقد ما فيه. Je n'ai pas conviction de ce qu'il contient. حمك الله. او شك او اشك او اتوقف فهو مكذب للرسول عليه الصلاه والسلام. Ou bien il dit, je doute ou je m'arrête à ce propos là, je ne me prononce pas. Il dément le messager. لان الواجب التصديق الجازم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. Car l'obligation qui incombe, c'est le fait de croire fermement, de croire et de véracifier fermement les paroles du messager صلى الله عليه وسلم et les paroles d'Allah. وألا يتردد الإنسان أو يتوقف في شيء من ذلك. Et qui ne doit pas rester hésitant ou alors s'arrêter en disant je ne me prononce pas. بل يؤمن بالقرآن كله. Il doit croire au Coran tout entier. يتردد الإنسان توقف شيء من ذلك بل يؤمن بالقرآن كله ويؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم كله على ما جاء عن الله ورسوله. Croire au Coran tout entier et tout ce qui est rapporté authentiquement du messager, tout cela provenant d'Allah et du messager. لا يشك أو يتوقف في ذلك. Il doit ni douter ni s'arrêter en disant sur ça je ne me prononce pas. هذا سبيل أهل الإيمان التصديق بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله فاتق الله واحذر واحذر وتعاهد إيمانك. Donc ensuite il dit, alors crains Allah, prends garde à toi et attache-toi à ton iman, à ta foi. اي اتق الله أن يقع في نفسك شك في كلام الله. Fais attention quant au fait de tomber, d'avoir des doutes sur les paroles d'Allah. Ou shakkun fi kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien d'avoir des doutes sur les paroles du messager. Ou shakkun fi i'tiqad ahli sunnah wal jama'a. Ou bien un doute sur la conviction des adeptes de la sunnah. Tafaqqad imanak. Tafaqqad imanak, c'est-à-dire recherche ta foi à chaque instant. An an yaqa'a fihi shay'un min dhalik. Recherche ta foi à chaque instant. Dans le sens que tu tombes pas dans une de ces choses-là. À propos de telle chose, j'ai un doute. À propos de telle chose, je n'y crois pas, etc. قال المؤلف رحمه الله ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله. Également fait partie de sunna. On a dit sunna quand on utilise comme ça, c'est pas quelque chose surérogatoire. Fait partie de la religion, de la conviction, de la croyance, de ne pas obéir à quelqu'un d'autre, à quelqu'un, à une personne quelconque, dans la désobéissance d'Allah. ولا الوالدين والخلق أجمعين. Ne serait-ce tes parents ou ne serait-ce qui que ce soit. لا طاعة لبشر في معصية الله ولا يحب عليه أحدا وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. Fait partie de la sunna, yani de la religion, que tu n'obéisses à personne dans la désobéissance d'Allah, ni les parents ni l'ensemble des créatures. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. N'aime personne pour cela, mais au contraire déteste pour cela. Déteste tout cela pour Allah. قال هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. Ça c'est un des fondements des adeptes de la sunna. أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم. En partant sur la racine de la parole du messager. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف. Il a dit également عليه السلام إنما الطاعة بالمعروف. L'obéissance se fait dans le bien. فمن أمر بمعصية الله فلا تطعه في هذه المعصية ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك أو هو ولي أمر أو سلطان لا تطعه في ذلك. Il dit, celui qui ordonne péché, notre désobéissance, tu ne dois pas lui obéir. Même si c'est ton père ou ta mère, ou parmi les gens les plus proches de toi, ou bien le gouvernant, لا تطعه في المعصية. Tu n'obéis à personne dans la désobéissance d'Allah. قال تعالى في اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Allah dit à propos des juifs et des chrétiens اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Verset 31 sur 9. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ fils de Maryam comme seigneur en dehors d'Allah. لما أطاعوهم في المعصية. Quand ils leur ont obéi dans le péché. قوله ولا الوالدين والخلق أجمعين. Ne serait même pas les parents ou même pas qui que ce soit d'autre. قال تعالى في الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. Sourate 31 verset 14-15. Nous avons commandé à l'être humain, à l'homme, la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéit pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Un verset qui ressemble, sourate 29, verset numéro 8. Nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et si ceux-ci te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas, vers moi et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Qui que ce soit cette créature, même si c'est les gens vraiment les plus proches de toi, tels que tes parents, donc que dire d'autres que tes parents. قوله ولا يحب عليه أحدا وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. N'aime personne pour cela, mais au contraire déteste tout cela pour Allah. أي لا تحب المعصية أو تحب من أمر بها بل تكره ذلك. Donc tu ne dois pas aimer le péché ou celui qui ordonne le péché, mais tu dois détester cela. تكره المعصية وتكره أهلها. Le péché et son auteur. Le péché en lui-même et la personne qui ordonne cela. تكره المعاصي وتكره أهلها. Tu détestes les péchés et leurs adeptes. ومن أمر بها et ceux qui ordonnent cela. وذلك لقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous qui voit une turpitude, qu'il le change avec sa main, qu'il la change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le degré le plus bas de iman. فَتَكْرَهُ الْمَعَاصِ وَتَكْرَهُ أَهْلَهَا هَذَا مِنَ الْإِيمَانِ. Et tu détestes les péchés et tu détestes les adeptes des péchés, cela fait partie de l'iman. نَقِفُ عِنْدَ هَذَا. On s'arrête là, inshallah. Et on continuera la semaine prochaine. قول المؤلف والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce qu'on a fait aujourd'hui ou demander quelque chose, il faut d'autres. Sinon, on conclut, inshallah. Par rapport aux parents, là, c'est des parents qui sont associateurs et qui ont... rester convenable avec eux. Non, le verset, il a cité ça. Même si tu forces à associer. Wa in jahadaka. Wa in jahadaka, ça veut dire même s'ils fournissent leurs efforts. Al juhd wal jihad, c'est les efforts. Tu vois? Même s'ils fournissent leurs efforts. Et pour que tu deviennes associateur, Allah dit fala tuti'huma. Il leur obéit pas là-dessus. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Il reste bienfaisant envers eux ici-bas. Non, tu restes bienfaisant envers eux. Même si année, alors que le shirk c'est la chose la plus grave. Donc quelqu'un qui est moindre que cela, année d'une manière plus évidente. Le verset il est sur des parents qui veulent te forcer à faire du shirk. Allah t'interdit de les écouter. Mais il t'ordonne de rester bienfaisant envers eux. Hein? Ça, dans les deux versets, dans l'Ankabout et dans l'Okman. Pour les parents, après si c'est autre, c'est... Et ça c'est un privilège qu'ont les parents, ouais. par rapport à d'autres. Même que ce soit la tante ou ne rentre pas dedans. Là, l'asl al-walidain, yani c'est le père et la mère. Ou enkan, dans certains hadiths, c'est venu yani que la tante elle a la même place que la mère et tout ça, mais c'est pas l'absolu. La tante elle fait partie de salat al-arham, yani les liens de proximité ou les liens de sang, mais elle a pas les mêmes grâces et mérites que la mère dans toutes les choses. Amt. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.